Le journal sud-coréen Une Nation a donné le 27 décembre un éditorial demandant une inspection stricte des soupçons de corruption de Ban Ki-moon. D'autre part, Yonhap News sud-coréen fait savoir que les forces de l'opposition ont réclamé le même jour l'abolition du manuel d'histoire contrôlé par le gouvernement.